Galaxy. The Empire of House Music. I Ne changez rien, vous êtes bien calé sur le 95.30. Il est 10h09. Quelques petites idées de sortie pour ce soir, en ce dimanche 27 mai. Une grande soirée, c'est à l'Escape Concept ce soir avec, attention, Antoine Clamaran sur les platines de l'Escape avec les résidents Huggy Anton, Dave, Luc et Kevin ce soir à l'Escape avec Antoine Clamaran. Voici tout de suite Chesto pour le plaisir.

fake to giving us bring your hermaphrodite. You're in. Go. Go. Go. Go. Save the rhythm. Save the rhythm. Pour notre plus grand plaisir avec le titre Homme, il est 10h30, voici tout de suite les informations de proximité présentées par Stéphane Laroche, on se retrouve juste après. Soirée blues en co-réalisation avec l'association Convergence, vendredi 1er juin à la boîte à musique Ouattre-Lausienne. Jimmy Hop, représentant du rock africain, fera une escale remarquée chez nous pour une soirée colorée et rythmée pour le plus grand plaisir de tous. African blues, rock et world music feront de cette soirée un cocktail détonnant. Infoline 03 20 75 85 86. Le Festival des Arts d'Étonnants s'étalera du 1er au 10 juin sur Tourcoing. 10 jours de spectacle, en rue et en salle, les meilleures compagnies du moment pour un festival d'humour jubilatoire. Renseignements auprès du Centre Européen de l'Humour situé 100 rue de Lille à Tourcoing, 03 20 26 72 78 ou sur eurohumour.com. La bibliothèque municipale de Waterloo, en partenariat avec celle de Moucron en Belgique, organise un concours de nouvelles littéraires gratuit et ouvert à tous. Le thème retenu pour cette première édition est la première fois. Vous êtes donc invité à envoyer vos textes inédits en 4 exemplaires avant le 1er juin à la bibliothèque municipale, 2 rue Émile Bazly, 59-150 Waterloo. Plus d'infos, 03 20 81 66 30 ou sur www.bm-waterloo.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. The best music at the right moment. Galaxy. Galaxy. À toute heure du jour et de la nuit. Voilà le moment que j'attendais, vous offrir les premiers cadeaux de ce dimanche. Vous appelez tout de suite le 03 20 83 57 57 et je vous envoie pour la semaine prochaine, pour le week-end prochain dans les clubs au choix, le Bliss, la Bûche, l'Escape, l'H2O, le Pulse Factory. C'est à vous de choisir, vous appelez tout de suite le 03 20 83 57. Les plus rapides seront les mieux récompensés. music at the right moment. Galaxy. Dreams.

Le meilleur de la musique électronique, naturellement, c'est sur Galaxy, sur le 95.30. Merci de votre grande fidélité. Voici tout de suite un petit coup de cœur, un vrai bijou. Voici tout de suite Saturne sur les ondes intergalactiques. Thank you. energy, fun, Skyrock? No. Galaxy, the one and only for you. All your favorite dance music on Galaxy. A day, only the biggest hits. This is Galaxy. 24 hours a day. Only the biggest hits. This is Galaxy. Thank you. Naturellement, ça fait partie des grands classiques à l'instant avec Stacy Kid avec Thank You, il est 11h32. Juste avant de retrouver Stéphane Laroche pour les informations de proximité, je vous donne tout de suite les quelques bons plans pour sortir ce soir si vous voulez faire la fête. Ça se passe du côté de l'Escape Concept pour la fameuse soirée avec, s'il vous plaît, Antoine Clamaran qui sera bien sûr à l'Escape ce soir en invité. Il aura aussi comme résident Guillaume, Dave, Luc et Kevin, ou bien à l'âge de zoo pour la soirée Acid Baby Doll avec, attention, Brian Jones et plus Chris, Johan et Simaï. Et l'entrée, je vous rappelle, est gratuite avant minuit. Voici tout de suite à 11h33, Stéphane Laroche pour les informations de proximité. On se retrouve juste après pour finir cette dernière demi-heure. Agresseur en concert, vendredi 8 juin 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Premier groupe français de death metal qui officie depuis 1986 et enchaîne les tournées à travers toute l'Europe. En première partie, le groupe Sud et son métal pur et dur vous ravira. Infoline 0320 75 85 86. Les journées nationales de la Croix-Rouge française sont fixées au 9 et 10 juin prochains. Afin d'obtenir de plus amples informations sur les divers projets et actions de la Croix-Rouge, n'hésitez pas à vous connecter sur le site web www.intra-croix-rouge.asso.fr. Journée porte ouverte dimanche 10 juin à la ferme du Marais de Warlin. Animation pédagogique autour des animaux et de la nature ou encore balade commentée, kermesse et dégustation de produits du terroir. Entrée libre, plus d'infos 03 27 91 40 46 ou sur lafermedumarais.fr. Marianne, dans tous ses états, sera jouée le jeudi 14 juin à 14h30 et 20h30 à la boîte de musique de Waterloo. Une fresque historique sur la petite histoire de la 5e République, concoctée par la compagnie Alain et l'autre. Réservation, office de tourisme 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Best music at the right moment. Galaxy. Galaxy. New. We'll be right back.

On retrouvera tout de suite après à midi ADN pour une session house. la musique électronique à l'instant avec Matthew Hiscock. Il est déjà l'heure de nous quitter. Merci de votre grande fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 10h pour une nouvelle émission Party After jusqu'à midi. Avant de se quitter, voici tout de suite la Bustine en souvenir avec le titre Flanger. Excellent après-midi. Juste après, on retrouvera ADN pour une session house. Parmi les souvenirs, la Bush Team avec Flanger. Il est temps de retrouver les midis. Il est temps de retrouver tout de suite ADN qui vient d'arriver en super forme dans les studios juste après ce petit message avec quelques répondeurs. Excellent après-midi, excellente journée à vous tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 10h. Arrête tout et écoute. Allô ? Il n'y a pas d'entrée de galaxie. C'est pas très joli, hein, de se moquer de Fun Radio, de Skyrock et d'Énergie, parce que eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être aussi bien que vous. Oh, vous êtes vraiment super, je vous adore, Galaxy, c'est génial, je m'excite rien qu'à vous entendre, je vous adore. Ah oui, Galaxy, j'adore. Galaxy, 95.3, I like it. Galaxy, welcome to the crazy house. The one and the only.